Tu te retrouves, le temps de rien, ouais, je t'en ai fait, la forêt reste en tes yeux. Le respect sacré des dieux, la vallée de la destinée, les rangées de chaînes de souris. J'ai même venu tout droit du désert pour éteindre le monde, la beauté, le cœur, la force, la santé. Mais on cherche à s'aimer.